Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de l'Aster. On se retrouve comme chaque semaine pour parler de nos découvertes ornithologiques des 7 derniers jours. Comment ça va Sophie? Eh bien écoute, un peu froidement parce qu'il commence à faire frais par chez nous. C'est vrai? On rentre dans l'hiver, et oui! Il fait bon, hein, ça va. Ça va. Il faisait 25 degrés en un samedi d'avril, ce qui est très. Oui, bah. Hein, comment bon. Dire? Pas normal, mais bon, on s'y habitue. Un réchauffement climatique, écoute. Exactement. Ça tombe bien d'ailleurs. Ça tombe bien parce que je vais vous en parler aujourd'hui, tiens. Ah ouais? Incroyable. Ah bah, comme quoi. moi, du coup, je vais parler de vexillologie. On va parler de drapeaux aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je commence? Mais tu ne nous avais pas déjà fait un épisode sur les drapeaux? Est-ce que j'ai fait un épisode sur les drapeaux? Enfin, pas un épisode, pas. Mais... Non? De quoi j'avais parlé sur les drapeaux? Non, je crois pas. Hein. C'est... Non, si tu avais mentionné qu'un oiseau était l'emblème de tel pays sur il y en a plein des oiseaux emblèmes de beaucoup de pays. On va peut-être parler de celui de Kiribati, parce que c'est celui que j'aime beaucoup. Il est très très cool. Mais on va pas parler de frégates, on va parler d'aigle aujourd'hui, avec plusieurs pays qui ont un aigle sur leur drapeau, ou un rapace en tout cas. Il y en a certains qui sont très connus, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. On peut citer en ceux qui sont très connus, par exemple le Mexique ou encore l'Égypte, et en ceux qui le sont un petit peu moins, on peut citer par exemple le Kazakhstan. Je ne sais pas si tu as déjà vu le drapeau du Kazakhstan. Il est magnifique. C'est un aigle des steppes qui est représenté. Je suis très nul en drapeau. Non, c'est pas grave. C'est un aigle des steppes qui est représenté en dessous du soleil. L'aigle est représenté avec un petit liseré jaune. Il est vraiment magnifique, cet oiseau. Bref, il y a plusieurs drapeaux qui évoquent bien évidemment le rapace diurne. Mais on va aujourd'hui s'arrêter sur l'un des plus connus, à savoir celui du Mexique. Parce que. Lorsque l'on pose des questions dans des jeux télévisés, on répond souvent que ce n'est pas un aigle qui orne le drapeau du Mexique, c'est un caracara. Alors, tu avais déjà parlé du caracara. On avait eu l'occasion de parler du caracara austral qui résolvait des problèmes. Oui, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Tu avais parlé du caracara tout noir. Je vais parler du caracara huppé, qui est un petit peu plus coloré, notamment avec son bec qui est orangé. Sauf que le problème du drapeau, lorsqu'on le regarde, le drapeau mexicain, c'est qu'on ne voit pas de bec orangé comme ça. On ne voit pas, on voit pas un animal qui ressemble à un caracara, mais beaucoup plus à un aigle royal. Un aigle royal qui tient entre ses serres et son bec un serpent, et cet aigle est perché au-dessus d'un cactus. Mais alors, pourquoi on dit qu'on a affaire à un caracara huppé, si en réalité, sur le drapeau du Mexique, c'est pas un caracara qui est dessus? Très bizarre quand même comme histoire. Alors... On va revenir un petit peu à ce qui s'est passé aux alentours des années 1800, puisque c'est à peu près à ce moment-là, 1812 pour être précis, lors de la guerre d'indépendance, que l'aigle qui va être perché sur un cactus va faire son apparition. Voilà. C'est donc un drapeau qui va être utilisé jusqu'en 1821 pour être utilisé pour la première fois en juillet 1822. Je dis apparition du serpent à cette date-là, en réalité c'est 2 ans plus tard, ce sera en 1823. Et le drapeau que l'on connaît aujourd'hui du Mexique, c'est un drapeau vert, blanc et rouge, les couleurs de l'armée de libération nationale du Mexique qui ont été adoptées pendant la guerre d'indépendance. Et bien évidemment, on a toujours notre fameux rapace et notre fameux serpent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on passe du caracara à l'aigle royal? Eh bien, il faut remonter aux Aztèques. Il faut remonter à un mythe aztèque plus précis, le mythe de Huitzilopochtli, qui avait prédit aux Aztèques, à l'endroit de la fondation de leur prochaine cité, qu'il verrait un aigle avec un serpent dans le bec perché sur un cactus. Et évidemment, comme la grande majorité des mythes, eh bien, ce mythe s'est révélé vrai. Et on a la date exacte de création de la ville de Tenochtitlan, qui deviendra par la suite Mexico, le 20 juin 1325. On est près du lac Texcoco. Alors, ça a été un petit peu périlleux hein, pour les Aztèques de mettre en place leur petite cité. Ils ont fait alliance avec quelques peuples, puis se sont fait bannir. Enfin, bref, il y a beaucoup d'histoires qui circulent avec des choses peu ragoûtantes, notamment à base de cœurs de personnes récupérées des entrailles. Enfin, bref, c'est un peu bizarre comme histoire. Sympa. Mais c'est souvent bizarre comme ça, les histoires des mythes méso-américains. Il faut savoir un truc, c'est que le caracara huppé, c'est un oiseau qui a une aire de répartition qui s'étend du Mexique, et même un petit peu plus haut, puisque on en trouve au Texas, en Arizona, et qui descend jusqu'en Amérique du Sud. Donc, la ville de Mexico est implémentée à peu près au milieu du pays mexicain, et le théâtre est le lieu de l'aire de répartition du caracara huppé. Et c'est pas tellement le cas pour l'aigle royal, parce que l'aigle royal, on va le retrouver dans la partie nord de l'hémisphère, on va le retrouver en Amérique, on va le retrouver en Europe, on va aussi le retrouver dans le Caucase et dans les montagnes himalayennes, et la fin de son aire de répartition au sud, elle va plus ou moins coïncider avec le milieu du pays mexicain. Et donc, ça a mis la puce à l'oreille de certaines personnes qui se sont alors demandé si, on s'était pas en réalité trompé d'oiseau et qu'en réalité, on avait davantage affaire à un caracara huppé qu'à un aigle royal. Et la première personne qui va se poser cette petite question, c'est Rafael Martin del Campo, qui est ornithologue et herpétologue mexicain, qui a étudié les représentations d'oiseaux dans les codex aztèques, codex qui ont été récupérés par les Espagnols lorsqu'ils ont conquis les territoires, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Et en analysant ces codex, il a remarqué que le plumage de ce rapace ne correspondait pas à l'aigle royal, mais plutôt à un autre oiseau, à un oiseau qui ressemblerait davantage au caracara. Alors, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a plusieurs théories qui sont symboliques. La première d'entre elles vient du fait que l'aigle royal est énormément représenté dans beaucoup de mythes nord-américains. Donc on va le retrouver chez certaines tribus, soit au niveau de mythes, on va avoir des danses qui vont être réalisées en son honneur, on va avoir des coiffes qui vont être portées en son honneur, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y aurait eu d'une certaine manière un espèce de glissement qui se serait fait, et comme le drapeau à l'époque est réalisé aux alentours des années 1820, mais sera repris par la suite aux alentours des années 1960, on peut supposer qu'il y a eu effectivement une espèce, entre guillemets, de mélange qui a été assuré parce que justement on a mis un peu tous nos œufs dans le même panier et on a pris l'aigle royal pour un oiseau qui n'était pas. Et la deuxième raison qui est évoquée, c'est tout simplement que nos chers amis conquistadors qui ont étudié les codex ont mal étudié les codex et voyant que l'aigle royal était un animal extrêmement fièrement représenté, étant un symbole de puissance, notamment en Europe, ne cherchant pas plus loin en réalité de savoir s'il s'agissait d'une autre espèce, ils ont décidé que c'était en réalité l'aigle royal qui pouvait être représenté sur cette héraldique. Et ça s'arrête pas là parce que apparemment le mythe sur lequel repose le symbole, à savoir donc cet oiseau posé sur un cactus qui mange un serpent, aurait été mal traduit également par les conquistadors espagnols. On suppose qu'ils ont traduit le serpent siffle par le serpent est blessé ou a été déchiqueté. Ce qui serait un petit peu bizarre puisque le serpent est souvent associé de la positivité et notamment à la sagesse avec le dieu Quetzalcoatl. Alors pourquoi on aurait un aigle qui est symbole extrêmement important mythologiquement qui dévorerait un autre symbole important mythologiquement. On peut supposer qu'il y a eu également eh bien, un souci au niveau de cette traduction. Donc, moralité de l'histoire, non seulement l'oiseau qui est présent sur le drapeau mexicain n'est peut-être pas le bon, mais en plus, le mythe qu'il traite n'est sans doute pas bon non plus. Eh ben, ça compte triple, là. Hein. Ah, ça compte triple, effectivement. Mais alors, attends, je me pose une question, parce que le caracara-huipé, bon... Pourquoi pas le serpent, tout ça, mais enfin, c'est quand même un peu curieux qu'il s'amuse avec un serpent. Mais pourquoi est-ce que ce serait pas une buse de haris avec un serpent sur un cactus? On sait que c'est un comportement habituel pour les buses de haris. C'est une bonne question et j'ai pas trouvé de personnes qui ont creusé plus loin que se dire c'est un caracara huppé. J'ai pas regardé non plus l'aire de répartition de l'oiseau aux alentours de Mexico. Ça avait l'air quand même de pencher davantage vers le caracara huppé. Et comme je l'ai dit, Del Campo a étudié les codex et a trouvé qu'il y avait beaucoup de ressemblances avec le caracara plutôt qu'avec l'aigle royal. Ça, est-ce que ça peut être une buse de haris? Peut-être, mais je pense qu'ils ont considéré la chose et considérer que le plus probable était, pour les ornithologues qui ont étudié la question, en tout cas, le caracara. Non, mais c'est intéressant, mais c'est vrai que n'ayant pas vu l'image elle-même ou les codex en question, je... Les codex sont très compliqués à trouver. Et puis, les représentations de ces oiseaux dans les codex sont particulièrement cryptiques. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de consulter, par exemple, le codex Mendoza, qui est le plus connu des codex aztèques. Eh bien, vous avez des figures mythologiques, faunistiques, qui sont particulièrement difficiles à décrire. Il faudrait voir aussi ce que les chroniqueurs de l'époque ont décrit de leur côté. Peut-être qu'on a des chroniqueurs qui se sont attardés un petit peu plus sur les oiseaux et qui ont peut-être défini de nouvelles espèces qui ont été trouvées. Personnellement, j'ai pas trouvé de telles informations, mais c'est possible. On a beaucoup d'écrits de chroniqueurs de l'époque qui relatent notamment que les Aztèques avaient des grands zoos où diverses espèces étaient justement conservées, soit à des fins rituelles, soit à des fins domestiques, voire aussi pour d'autres choses. Mais ça pourrait être effectivement le cas. D'accord. Bon, c'est intéressant. Mais du coup, c'est une histoire derrière ce drapeau. C'est quand même c'est super intéressant. Une histoire fantastique derrière ce drapeau. Et on a aussi la preuve que la grande majorité du temps, les questions, plutôt les réponses, ne sont pas absolues. Et que si on creuse un peu, on trouve des choses qui sont particulièrement originales. À noter que l'oiseau national possiblement du Mexique serait le caracara huppé. J'ai trouvé une information très intéressante, c'est que le gouvernement lui-même ne s'accorde pas sur l'oiseau en tant que tel. C'est-à-dire que certains disent que c'est le caracara, d'autres disent que c'est l'aigle royal. Il n'y a pas de source gouvernementale qui nous permette de définir avec certitude l'oiseau qui est l'emblème national du Mexique. Oui, donc eux, ils ont juste dit, on s'en fiche, il y a un piaf, et puis voilà. Il est magnifique, il représente la grandeur du Mexique, alors nous allons le laisser. Voilà. C'est un très très bel exemple. Et comme je l'ai dit, il y a plein d'autres, et on l'a évoqué précédemment, plein d'autres drapeaux où il y a des oiseaux, et sans doute d'autres histoires à raconter. Flamants roses, désormais. Eh bien... Eux, ils ne font pas partie de la vexillologie, malheureusement. Vexillologie, non, j'ai pas... Bon, après, on peut toujours créer un drapeau, si tu veux. Pourquoi pas. Je suis pas contre. Mais là, aujourd'hui, je vais plutôt commencer par vous parler de leur milieu de vie. que vous connaissez certainement parce que ce sont des grands lacs du côté de l'Afrique que l'on appelle des lacs alcalins ou des lacs de soude, qui sont des lacs très très particuliers. Vous en trouvez en Afrique, vous en trouvez aussi en Amérique du Nord notamment. Et ces lacs ont des écosystèmes très particuliers. Alors aujourd'hui, je voulais vous en parler parce qu'il y a un papier qui est sorti il n'y a pas très très longtemps sur Current Biology et qui nous explique une sacrée corrélation entre ces flamants et les lacs autour desquels ils vivent, et surtout qui nous parle des impacts du changement climatique sur ces lacs. Alors on va commencer avec les lacs alcalins. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un lac alcalin, parce que ça va nous servir pour après. Donc un lac alcalin, c'est un lac qui est à une teneur très très élevée en sel carbonaté notamment, et aussi à une teneur très très élevée donc en CO2. Et ces lacs, on les appelle aussi des lacs salés ou lacs hypersalins, ils ont un pH très très élevé, entre 9 et 12, et donc avec une grande salinité aussi. Ne vous baignez pas dedans. Non, ne vous baignez pas dedans, ne buvez pas l'eau, c'est pas pour nous. Faites rien. Voilà, n'y allez pas, on n'est pas... Vous pouvez aller prendre des photos si vous voulez, mais n'allez pas la boire. On n'est pas habitué, on n'est pas fait pour vivre dans ce genre d'environnement. Nous ne sommes pas des tardigrades. Absolument pas. Et nous ne sommes pas non plus des poissons adaptés à ce genre de lac. Ni des cyanobactéries d'ailleurs. Et ces lacs-là font partie des environnements aquatiques les plus extrêmes sur Terre. Donc n'y allez pas. Nous ne sommes pas faits pour ça. Est-ce qu'on vous a déjà dit que c'était dangereux? Juste au cas où, hein, je le rappelle. Ça fait très jolie photo, ça dit. Ah ouais, très très belle. Très très belle. Mais c'est pas le lac rose, c'est pas ça, non? Alors, il y en a plusieurs. Notamment, il y a le lac Natron, qui est très connu. Ok. Et voilà. Donc, on en citera quelques-uns. Il y a le lac Chala aussi. Il y en a pas mal. Particulièrement dans la vallée du rift est-africain. Il y a pas mal de lacs là-bas, du coup, qui sont très salés. Qui sont des environnements assez particuliers et dont je voulais vous parler aujourd'hui, puisque ça fait partie du sujet. On pourrait se dire, à raison, que ce genre d'environnement extrême, serait très compliqué pour n'importe quel animal, n'importe quel être vivant en général d'ailleurs, pour aller y vivre. Et on pourrait se dire du coup que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces qui y vivent, que la biodiversité dans ces lacs est très faible, qu'il n'y a pas beaucoup de biomasse, etc. Et bien en fait pas du tout. Et c'est là que c'est très très intéressant, c'est que les lacs de soude, c'est généralement les écosystèmes qui sont là-dedans, sont foisonnants. Mais à un point tel que ce sont parmi les écosystèmes les plus foisonnants sur la planète. Okay. Et notamment pour tout ce qui est écosystème aquatique, hein, que ce soit les lacs, que ce soit les rivières ou que ce soit n'importe quoi d'autre, ces lacs sont capables de produire entre 15 à 16 fois plus de biomasse que n'importe quel autre environnement aquatique sur Terre. Donc ça vous donne une idée quand même de l'importance de ces écosystèmes, en Afrique ou aux autres endroits dans le monde là où ils sont. Ces écosystèmes qui sont donc foisonnants de vie et d'espèces endémiques à ces lacs, effectivement. Ça en fait les environnements aquatiques les plus productifs sur Terre quand même, donc c'est pas rien. Et ce sont les plus productifs sur Terre. Pourquoi ? Parce que cette quantité de dioxyde de carbone qui est dissoute dans l'eau est quasiment infinie. Alors, elle n'est pas infinie par définition, mais il y en a tellement que c'est un peu comme si elle était infinie pour tous les organismes qui sont dans le lac et qui s'en nourrissent. Et du coup, ça permet une croissance exponentielle de ce qu'on appelle les producteurs primaires qui vont être dans votre écosystème le bas de la chaîne alimentaire, si vous voulez. Ça va être le premier maillon de la chaîne, celui qui va permettre de produire la matière organique à partir d'éléments minéraux. Donc ça va être vos algues dans les lacs, par exemple, ça va être vos plantes aquatiques, ça va être ce genre de choses qui vont être vraiment, vraiment la base. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler du phytoplancton, en l'occurrence de cyanobactéries, ce qu'on appelle aussi les algues bleues. Okay. Et donc, ces petits organismes vont se nourrir donc du dioxyde de carbone qui est dissous dans le lac et vont grandir, grandir, grandir, se multiplier, etc. Et évidemment, ces cyanobactéries, ces algues, ces plantes aquatiques vont constituer le premier maillon de la chaîne alimentaire pour le reste des animaux qui sont autour du lac ou dans le lac, hein, les poissons et autres, mais aussi pour les fameux flamants nains dont on va parler aujourd'hui, qui ont l'habitude d'utiliser ces cyanobactéries dans ces lacs salés bah, comme principale source de nourriture, tout simplement. Parce que les flamants ont tous un bec filtreur très très particulier, que vous connaissez certainement, et qui du coup permet de filtrer exclusivement le phytoplancton et des tout petits crustacés aussi, qui leur permettent donc de se nourrir. C'est un peu comme des baleines qui mangent du plancton, mais c'est la version oiseau. Voilà. Okay. Ces lacs sont extrêmement importants donc pour le flamant nain qui va s'en servir comme lieu de nidification aussi, parce qu'il va, en période de nidification, construire son nid sur le bord de ces lacs, hein, une sorte de petit nid de boue. Et puis il va nicher en colonie autour de ces lacs, notamment pendant les périodes au printemps où les algues sont les plus productives et où ça lui permet d'avoir encore plus de nourriture pour nourrir ses petits. Alors pour former ces lacs alcalins, donc on a des conditions particulières qui sont nécessaires, que ce soit des conditions géographiques, mais des conditions aussi géologiques, parce qu'il va pouvoir, il faut une certaine quantité de sels minéraux, de sels carbonatés dissous dans cette eau, et ça c'est la géologie qui va l'apporter. Mais il va aussi falloir des conditions climatiques particulières, parce que pour que ces lacs soient aussi salés, il faut que toute l'eau qui arrive, que ce soit par la pluie, par des petites rivières, par ruissellement, n'importe quoi, finissent par s'évaporer aussi pour que la concentration en eau, la concentration dans l'eau reste la même, pardon. Donc il faut qu'il y ait en fait autant d'eau qui arrive que d'eau qui s'évapore dans ces lacs. Comme ça, ça permet du coup un maintien de cet écosystème sans qu'il y ait trop de dilution des composants qu'il y a dans l'eau qui sont nécessaires à la formation de la vie. Et alors, on s'était dit... Rendez-vous dans 10 ans. Voilà, on verra si on sera encore là. Mais du coup, les chercheurs s'étaient dit, ces lacs qui ont une concentration super élevée en dioxyde de carbone et en sel et autres, finalement, avec le réchauffement climatique, peut-être que c'est pas trop un problème, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura un peu plus d'évaporation, la belle affaire, ça va pas vraiment embêter les bestioles qui sont dedans, qui sont déjà habituées à des milieux extrêmes, de toute façon, ça changera pas grand-chose pour elles, non ? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Et là, tu vas me dire, eh ben en fait, pas du tout. Eh ben en fait, pas du tout. Ah, non, je suis trop fort. Mais du coup, c'est pas du tout ça qui s'est produit. Parce que lorsqu'on a un réchauffement climatique... Alors, bon, on parle de réchauffement climatique actuellement à l'échelle du globe, effectivement, mais sauf qu'on va plutôt parler de changement climatique en réalité. Parce qu'en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, le réchauffement climatique, ça va pas se passer de la même manière. Et en l'occurrence, en Afrique, dans beaucoup d'endroits, vous allez avoir des endroits qui vont se transformer en désert, où on va avoir moins de précipitations. Mais en l'occurrence, dans la vallée du Rift Est africain, c'est pas ce qui est en train de se passer. Et les chercheurs qui ont donc fait cette étude ont étudié ces lacs alcalins, et les ont étudiés sur une période d'une vingtaine d'années à peu près, et ont essayé de noter la quantité de CO2 présente dans ces lacs, mais aussi la quantité d'eau qu'il y avait dans ces lacs et plein d'autres paramètres. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, sur les 10 dernières années notamment, le niveau d'eau dans ces lacs a drastiquement augmenté. Il n'a pas réduit du tout. Il a augmenté. Alors pourquoi ? Il a augmenté parce que dans cet endroit-là, les pluies se sont intensifiées. Ça fait 10 ans qu'il pleut beaucoup plus qu'avant. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Plus de pluie, ça veut dire qu'on a plus d'eau qui arrive dans ces lacs. Ça veut dire que le niveau de l'eau monte. Et plus de pluie, ça veut dire aussi que La quantité d'évaporation qui se fait naturellement dans ces lacs, finalement, n'est plus suffisante pour contrebalancer la quantité d'eau qui est apportée par les pluies. Donc il n'y a plus cet équilibre qu'on avait précédemment, qui permettait effectivement de garder la concentration en CO2 plus ou moins la même. Là, c'est plus le cas. Et puis on a un pH qui est différent, du coup. Pardon ? Et puis on a un pH qui est différent du coup. Exactement. Avec, l'apport d'eau. Exactement. Exactement. Comme tout commence à se diluer, on va petit à petit redescendre vers un pH neutre. Alors on n'y est pas encore, hein, rassurez-vous, mais c'est la tendance avec le niveau de l'eau. Vous pourrez vous baigner dans 70 ans. Peut-être. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, on a eu cet impact-là. Sans compter qu'on a aussi des failles tectoniques qui ont créé d'ailleurs ce rift, qui ont commencé à jouer aussi dernièrement et qui sont aussi possiblement un des facteurs qui a fait augmenter le niveau de l'eau dernièrement. Enfin bref, et puis en dernier facteur, vous avez aussi l'activité humaine évidemment autour de ces lacs. Activité humaine qui se fait dans les bassins versants autour de ces lacs, qui du coup changent un petit peu les eaux de ruissellement qui sont récupérées par ces bassins versants, et notamment changent la manière dont les eaux de pluie sont absorbées par les sols, par exemple. Et tout ça, ça va modifier la quantité d'eau qui va être apportée au lac. Et comme l'eau ne rentre plus autant dans les sols que précédemment à cause de l'urbanisation, à cause de ce genre de choses, et ben il y a beaucoup plus d'eau qui arrive dans les lacs. Et qui du coup fait monter le niveau de l'eau. Et qui dilue un peu tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien dernièrement, les flamants nains ont commencé à voir leur nombre chuter autour de ces lacs parce qu'il n'y avait plus assez de nourriture. Si vous commencez à diluer, si vous commencez à diluer la quantité de CO2 dans ces lacs, ça veut dire qu'il y aura moins de croissance de cyanobactéries. Et s'il y a moins de cyanobactéries, par définition, vous allez avoir moins de flamants autour de ces lacs parce qu'il y a moins de nourriture. Donc c'est une réaction en chaîne, hein, comme d'habitude. Et ça pourrait entraîner, au bout d'un moment, la destruction totale de ces écosystèmes si on ne fait rien. Et ça, c'est incroyable parce qu'on pensait que les écosystèmes extrémophiles étaient peu sensibles, finalement, ou insensibles à ces variations. C'est ça. Et on est en train de se rendre compte que c'est pas du tout le cas non plus. C'est pas du tout le cas. C'est ouf, non. Ça. Incroyable. Personne n'est à l'abri. Personne n'est tranquille. Personne n'est à l'abri. J'en ai peur. Donc voilà, donc ça c'est un des problèmes. Alors qu'est-ce qui va se passer pour ces pauvres flamants nains maintenant ? Qu'est-ce qu'ils vont faire après tout ? Est-ce qu'il y a un espoir ? Ces flamants nains, ils vont migrer, comme ils le font régulièrement. C'est l'une des espèces les plus chanceuses dans ces lacs finalement. Ce n'est pas un poisson qui ne peut pas trop bouger, c'est un oiseau avec des ailes. Et donc ils sont capables de se déplacer sur d'autres lacs. D'autres lacs qui, suite au changement climatique, ont commencé à se transformer en lacs alcalins, eux par contre, et qui pourraient possiblement Incroyable. Accueillir les populations de flamants nains, et qui d'ailleurs commencent à les accueillir parce qu'il y a des migrations qui sont en train de se faire vers ces lacs-là. Incroyable. Seul petit problème. Ah. Et oui, parce qu'évidemment, tout n'est pas rose, si seulement. Seul petit problème, c'est qu'ils ont identifié notamment 6 lacs qui étaient des endroits possibles pour les flamants, pour migrer, pour continuer à exister, à se nourrir, etc. Le problème, c'est que sur ces 6 lacs, il y en a 3 qui ne sont pas protégés et qui, du coup, risquent de mettre la population de flamants nains en péril. Okay. Voilà. Donc, ils encouragent, donc les chercheurs de l'étude encouragent fortement les gens autour de ces lacs non protégés à s'occuper à essayer de les transformer en zone un peu plus sûre, en quelque sorte, pour la biodiversité qui aura besoin de s'y développer incessamment sous peu. Voilà. Intéressant. Et du coup, on est capable de dater l'apparition de ces flamants nains sur ces nouveaux lacs, du coup ? On a un registre oui. qui... Incroyable. Oui, il y a évidemment des observations qui sont faites régulièrement. Il y a des ornithologues partout, tu sais bien. Nous sommes partout. Exactement. Et du coup, on sait exactement quand est-ce que tout ça... Ça a commencé à évoluer et quand est-ce qu'ils ont commencé à migrer ? Alors, il faut savoir que les flamants sont des oiseaux qui... alors, c'est pas des oiseaux migrateurs au sens de ils vont migrer une fois par an, etc. C'est des oiseaux qui font des migrations pendant l'année, en fonction des quantités de nourriture disponibles et en fonction du niveau de l'eau dans les différents lacs. Ce que certains, ornithologues appellent la migration tournante. Exactement. Bien que je n'ai jamais réussi à trouver d'où venait ce terme. Non, c'est vrai, on m'a dit. Non, mais ça s'appelle la migration tournante. Tu tapes sur internet migration tournante, tu n'as rien. Je sais pas. Non, bah, c'est, mais. Bon, après, j'avais. Mais voilà, c'est le but, c'est en gros, les oiseaux se déplacent en fonction de comment dire, de la capacité à trouver de la nourriture, et une fois que cette nourriture n'est plus présente, eh bien, on se déplace à un autre endroit. Voilà. Les migrateurs font ça à plus petite échelle. Lorsque vous voyez par exemple des merles et des griffes qui sont en hiver en train de se déplacer d'arbre en arbre, voire de secteur en secteur, bah typiquement c'est de la migration tournante. C'est ça. Merci Sophie. C'est... Bah écoute, c'est avec plaisir. Avec ces flamands. J'aime bien parler de flamands. Incroyable, incroyable. Bah c'est la fin de cet épisode. On termine donc sur les flamands nains. Merci Sophie d'avoir merci été présente. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot? Non, j'espère juste que ça n'a pas été trop compliqué, parce que c'est vrai que la publication est un petit peu touffue, mais on vous mettra les liens si vous voulez. Oui, liens dans la description. Alors moi, difficile de vous mettre des liens dans la description, parce que c'est plein de sites que j'ai dû ramasser. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à mettre la main sur ce que notre cher ornithologue avait dit. Il y a une publication qui existe, mais elle n'est pas disponible en ligne. Donc malheureusement, bah, je ne peux pas vous la donner. Il va falloir faire avec des dires, ce que je n'aime pas spécialement. Mais bon, ça reste quand même un ornithologue qui est assez réputé, notamment au Mexique, plus réputé dans le domaine de l'herpétologie que dans l'ornithologie. Donc ça reste quand même quelqu'un de très très fiable dans le domaine. Merci en tout cas à tous et à toutes d'avoir suivi ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr. N'hésitez évidemment pas à nous suivre sur Twitter. N'hésitez pas à écouter les précédentes émissions. Vous les retrouverez sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, sur Apple Podcast. N'hésitez pas également à retrouver Sophie, @leplumeux, ça c'est sur Twitter, @leplumeux, ça c'est aussi sur Instagram et sur Twitch, pour peut-être bientôt des oiseaux dans son jardin, qui sait. Et d'ici là, portez-vous bien, salut à tous et salut à toutes. À plus.